Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Et comme vous le savez, dans cette émission, chaque jour, nous mettons en lumière des initiatives locales. Aujourd'hui, nous recevons un invité bien connu en Touraine pour son engagement et ses projets. Projet fédérateur, il s'agit de Bernard Charret, ancien chef cuisinier, cofondateur avec son épouse Dominique de l'association Convergence Bio. Il est l'âme de deux grands rendez-vous qui animent chaque année, en septembre, les bords de Loire. On commence par le banquet festif et solidaire sur l'île Simon le 12 septembre, et puis le marché paysan Convergence Bio qui aura lieu, lui, le 21 septembre. Alors ensemble, on va parler de l'esprit de cet événement, de leur organisation et aussi de leur avenir. Bonjour Bernard. Bonjour à vous. Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, ça va bien puisque tout commence à se dessiner, donc ça va aller très bien. Alors, je propose qu'on commence à parler de l'événement qui va arriver le plus rapidement, à savoir le banquet solidaire. Comment est née l'idée de ce banquet ? Parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai, ce banquet. Non, ce banquet, ça a été fait il y a, je ne sais plus, 13 ou 14 ans maintenant. À l'époque, j'avais été chef sélectionné pour la région centre par Bercy. C'était dans le cadre de la fête de la gastronomie. À l'époque, ils faisaient encore ça. Et donc, ils avaient choisi dans chaque région un chef identifié qui devait leur proposer donc une recette qui fasse un clin d'œil à une pratique étrangère et qui surtout valorise la région et les produits du coin. Donc, du coup, moi, j'avais trouvé l'idée de faire une paella de Loire, puisqu'on peut refaire une paella à notre façon aussi. Donc ça veut dire qu'on a des poissons de Loire, j'avais des écrevisses d'un pêcheur, j'avais de l'oie de Touraine de gens qui en élevaient, j'ai remplacé le riz par du petit épeautre, on avait du safran, en Touraine il n'y a pas de problème. Donc en fait ça nous a fait une paella qui était très chouette. Et puis après ça a été de se dire, mais bon c'est un peu bête, une paella c'est un plat à partager. Mais oui. Et pourquoi on ne se ferait pas un banquet? Parce qu'en plus la fête de la gastronomie encourageait à ce qu'il y ait des banquets partout. Et là, du coup, on est parti là-dessus. Et en 2 mois de temps, on a trouvé les financements, les autorisations. Et on a pu créer un banquet que je pensais faire qu'une seule fois. Voilà. Oui, qu'une seule fois. Voilà. Et c'était quand ? Eh bien, c'était il y a 14 ans. Vas-y, dis-moi, ça fait quoi ? On est en 2026. C'était en 2012. Voilà, ouais. C'est ça. Ah ouais. Et l'idée, c'était aussi que pour avoir déjà reçu chez moi des gens qui étaient dans des moments difficiles de vie et d'avoir vu l'émotion qu'il y avait à chaque fois, c'est-à-dire des gens qui s'étaient privés de restaurants, qui vivaient plus tout ça et qui, tout à coup, ont été servis au restaurant et c'était aux chandelles où on servait encore en cloche en argent et grand service. Ça m'avait tellement touché, c'était de me dire, et si on fait un banquet ? On fait un banquet où on mélange tout le monde, des gens qui ont les moyens d'aller au restaurant normalement et des gens qui ont été écartés parce que leur mode de vie, leur revenu, cette période-là n'est pas bonne pour eux. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a fait le banquet populaire et festif et solidaire. Donc ce banquet, il a lieu sur l'île Simon, ce sera le 12 septembre. Et c'est quoi un petit peu le programme de cette année ? Alors le programme de cette année, c'est là on va être un peu plus de 500, hein, donc c'est un très gros banquet. C'est le seul banquet qui a jamais été fait sur l'île Simon. On est sur un lieu unique, hein, d'être au milieu de la Loire, au milieu d'une grande ville et au milieu de la Loire, c'est quand même extraordinaire. Et puis ça tombe en même temps que la remontée, grande remontée. Et complètement. Donc on a aussi les bateliers qui vont être avec nous. Puisqu'ils vont se rassembler ce jour-là pour partir sur Orléans, mais ils mangent avec nous ce jour-là. Donc on a à la fois 150 personnes qui sont invitées, que c'est Sandra Beaujard dans son association Sonora qui tout au long de l'année va coopter des invités, des gens qui sont dans un moment de vie qui n'est pas la plus sympa. Mmh. Et puis ces 150 repas qui vont être vendus à des habitants de la ville de Tours, donc qui ont juste à payer, c'est à 26 euros, donc ils achètent juste le prix de revient du repas. Et puis, là, cette année, on a 100 bateliers et puis il y a quasiment une centaine de bénévoles pour faire tout ça. C'est l'équipe de la Banque alimentaire qui fait le service. C'est le rassemblement de plein de gens chouettes. Alors, je crois que tous les repas, ça y est, là, sont vendus. Oui, ça fait plaisir. Belle réussite. Tout est complet. Ça fait, oui, 3-4 repas où, là, vraiment, à chaque fois, tout est rempli très vite. Il y a une thématique, d'ailleurs, cette année ? Pas particulièrement. Non. Non, s'il y a plusieurs choses quand même qui changent. Donc, la paella de Loire, ça reste toujours cette recette. Hein, mm-hmm. C'est le 12e, celui-là. Et à chaque fois, donc, c'est la paella de Loire qui est le plat de résistance. La différence, c'est que là, c'est pas moi qui le fais. Voilà, depuis l'AVC, ça a quand même été une période où ça m'a peu fatigué. On ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai que vous avez raccroché pas mal de choses ces dernières semaines. Non. Voilà, maintenant, je ne fais plus de cuisine. Donc là, c'est la cuisine centrale. C'est Sacha, le nouveau chef de la cuisine centrale de Tours, qui a pris ma recette et qui va venir le servir ce soir-là. Et apéritif, entrée et dessert vont être faits par les roseaux pensants à Cormery, qui, eux, ont déjà un comportement proche aussi du milieu paysan et des produits locaux et qui sont aussi partant pour petit à petit, sur les années qui viennent, prendre le relais de ces événements. Nous vous pensons qu'on fait de belles publications au sujet de vos deux événements sur les réseaux d'ailleurs. Complètement. On voit qu'il y a une belle osmose. Oui, et puis qui ont aussi gagné une étoile au Michelin, une étoile verte au Michelin, qui est vraiment une étoile qui définit un comportement local et végétal et tout ça. Voilà. Alors tout l'après-midi, il y aura évidemment aussi des animations. On pense à la coiffure, onglerie, maquillage, massage, parce que se sentir bien, ça passe par la convivialité, ça passe par ce qu'il y a dans l'assiette, et ça passe aussi par toutes ces petites choses-là, ces à côté-là. Voilà, complètement. Ça veut dire que c'est vraiment l'histoire que tu sais que si tu vas dans un vrai restaurant demain ou après-demain, eh ben tu réfléchis déjà comment tu vas t'habiller, si tu vas aller chez le coiffeur avant. Voilà, c'est un événement d'aller au restaurant. Mmh. Et donc c'est l'idée aussi que quand tu es un peu marginalisé, tu t'occupes plus trop de tout ça. Donc là, en début d'après-midi, surtout l'après-midi, on a une douzaine de stands. On a au moins 7 ou 8 coiffeurs. On a de l'habillement avec Active. On a du maquillage. On a des massages. Donc là, des 150 personnes invitées ont déjà pris des rendez-vous tout au long de l'après-midi pour qu'on s'occupe d'eux. Et moi, j'ai vu des gens, des fois, gagner 10 cm, 10 cm en passant dans ce village, tu vois. C'est vraiment tout qui est réuni pour une chouette ambiance. Et puis, il y aura des chorales de Loire qui accompagneront l'apéritif avec des chants de Loire, le duo Parana, notamment aussi. Et justement, si vous le voulez bien, Bernard, je propose qu'on écoute quelques notes du violon de Géraldine Bizy, qui est violoniste et qui sera là, justement, dans ce duo Parana. Mettre un petit peu... Avec plaisir, moi, j'adore sa musique. on écoute le violon de Géraldine Bizy, qu'on retrouvera donc lors du banquet solidaire le vendredi 12 septembre, à l'île Simon. Géraldine Bizy et son violon sur Radio Active, elle fait partie des artistes qui se produiront à l'occasion du banquet festif et solidaire de l'île Simon qui aura lieu ce vendredi 12 septembre, organisé par l'association Convergence Bio. Et je suis en compagnie de Bernard Charret qui aujourd'hui est là pour nous parler de tout ça. Alors il n'y aura pas que du classique à cette occasion, Bernard. Non, parce que c'est quand même la fête aussi. Et bon, le classique c'est la fête, mais là ce sera vraiment de finir avec la charcuterie musicale parce que ça emmène tout le monde et ça permet de danser, ça permet d'être tous plus proches encore. Mais oui, c'est sûr, la musique fédère autant que ce qu'il y a dans les assiettes, en imaginant. Complètement. Donc ça, c'était le premier gros événement qui aura lieu donc, ce 12 septembre. Et puis, il y a un deuxième grand temps, c'est le marché paysan Convergence Bio. Alors, ça, on peut parler d'un rendez-vous, d'une réunion amicale de paysans, maraîchers, arboriculteurs, céréaliers, apiculteurs, etc. On pourrait en citer encore de nombreux. Là encore, première question, depuis combien de temps ça existe, Convergence Bio ? Convergence, ça va faire 20 ans qu'on le fait. Donc, ça va être le 19e, puisque l'année dernière, on ne l'a pas fait. Donc, ça fait le 19e, l'année prochaine, sera le 20e. Et là, par contre, c'est plus quelque chose d'intime, parce que 500 personnes, c'est que intime. Là, on est quand même vraiment avec plus de 130 structures, avec généralement entre 10 000 et 15 000 visiteurs. Donc voilà, c'est vraiment un gros événement qui remue beaucoup de gens et qui, entre autres, la journée du patrimoine, donc c'est pas pour rien, c'est qu'à la fois, c'est notre patrimoine qu'on expose. Patrimoine, c'est pas que d'historique. Le patrimoine, c'est qu'est-ce que vous possédez aujourd'hui. Et donc, ça montre aussi où on en est dans des paysans qui cherchent à être proches de leur terre, proches de leurs animaux et qui sont dans le respect à la fois de leur production, mais aussi des consommateurs. Comment vous arrivez à réunir autant de producteurs et d'associations comme ça ? Moi, je ne sais même pas. Cette année, ça s'est fait tout seul. Certaines années, c'est tout au long de l'année aussi. Hein. C'est tous des gens avec qui j'ai été ami d'une façon ou d'une autre, parce que moi-même, je ne travaille qu'avec le monde paysan. Et que là, cette année, il y a des années où il faut que j'arrive à convaincre des gens en disant « tu ne veux pas venir quand même » et tout ça. Donc, bon, c'est bien aussi. Mais là, cette année, ça s'est rempli tout seul. C'est dès qu'on a envoyé nos invitations globalement, c'est de tous les côtés qui viennent. Et il y a une très grosse diversité là, de produits, de producteurs, de façons de travailler. Comme tu dis, il va y avoir des escargots, mais il y aura aussi des fromages de brebis, des fromages de chèvres, des fromages de vaches. Des gens qui écrasent des pépins de raisin à Bourgueil, tu vois. Non, il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Et alors, est-ce que c'est important que ce soit en ville, sur les bords de Loire, justement, oui, d'apporter tout ça au cœur même de la ville de Tours? Oui, ça, c'est capital. Moi, il y a 20 ans, ça m'agaçait un petit peu que, en fait, dans le milieu bio, dans le milieu écologiste, ou dans tout ce qu'on veut, on soit toujours un tout petit milieu à se retrouver tout le temps les mêmes. Presque élitiste, quoi. J'avais même plus envie d'y aller. Un jour, c'est ceux qui étaient dans l'Assemblée qui allaient être conférenciers la fois d'avant et la fois d'après, on renversait les rôles. Moi, je trouvais que c'était plus très drôle. Et que, par contre, c'était important de toucher un très grand public et pas forcément des gens avertis. Et là, c'est la journée du patrimoine. Donc, ça veut dire que la ville est remplie de gens aussi, tout court. Oui. Et en même temps, c'est pas n'importe où. C'est vraiment au centre de la ville de Tours, qui est quand même une grande et belle ville. Et donc, ça fait qu'on va vraiment avoir un très grand public. Donc, il y a peut-être 3-4 000 personnes qui sont déjà des gens convaincus. Donc, c'est très bien, ils sont convaincus, ils vont retrouver des producteurs ou des nouvelles adresses. Donc, c'est bien aussi. Mais là, on va toucher aussi des milliers de personnes qui juste se disent « Eh, regarde, ça a l'air sympa, on va voir ce qui se passe. » Oui. Et puis, certains, en goûtant quelque chose, vont être surpris des goûts et des saveurs. Et puis voilà, il y a un petit chemin qui va démarrer, sans que ce soit un chemin lourd et intellectuel, mais juste un chemin de sensibilité. L'occasion de faire des belles découvertes. Alors comment on fait pour y aller à ce marché paysan Convergence ? C'est en libre accès ? Complètement. Est-ce que c'est barriéré ? Il faut payer à l'entrée ? Non, c'est complètement en libre accès. Donc c'est effectivement entouré quand même, parce que c'est vraiment un village. Et donc oui, il y a des barrières à l'extérieur, mais il y a plein d'entrées. Et on peut circuler comme on veut, on peut y aller juste à un morceau, on peut y aller en plusieurs fois dans la journée. C'est à la fois un marché, c'est aussi un grand restaurant. Parce que depuis le début, on incite chaque producteur à faire du street food. Donc, il y a, sur la centaine, il y en a au moins 60 qui font des choses. Donc on peut très bien manger, mais je ne sais pas moi, une tartine de fromage chez l'un, une salade chez un maraîcher plus loin, un peu d'escargot à l'ail chez un autre, aller manger de la friture de Loire chez des pêcheurs. On peut se faire un repas très diversifié. On a aussi 11 vignerons. Et un stand de vin qui vend des verres au vin. Non, je pense qu'on fait le tour de la nourriture, de la belle nourriture. Et est-ce qu'il y aura des animations autour, des dégustations, des initiations à je ne sais quel... Oui, il y a plusieurs choses en fait. Bon, déjà depuis... Ça n'a pas été au premier, mais depuis plusieurs années, ça a vraiment été ce sentiment que, à Convergence, c'est vraiment une ambiance particulière. Les gens sont souriants, Je pense que c'est lié aussi que le nombre qu'on est, ça fait près de 300 intervenants qui sont tous contents de se retrouver, contents de venir là. Donc je pense qu'ils traduisent quelque chose aussi. Et dans les allées, il y a les sourires, il y a cette ambiance qui est vraiment unique. Et donc du coup, on a rajouté de la musique. Hein. On a une fanfare, là, les 10 de Der, qui sont très chouettes et qui vont tourner toute la journée. On a, une scène aussi... Des spectacles de rue. Avec Samuel et Amélie, la compagnie Vent de Lune. Voilà, donc la compagnie Vent de Lune, ils vont tourner avec un tonneau. Parce que l'intérêt, c'est qu'on est quand même étalé sur 3 niveaux. Mmh. Donc les 2 niveaux du Quai de la Loire et la place Anatole-France. Et eux, ils vont se promener avec un tonneau et s'arrêter à intervalles réguliers, faire des petites discussions et de la musique sur le vin ou sur les aliments. Dans tous les cas, c'est lié à la nourriture. Et puis on a aussi le bus d'Icar sur les chemins, donc de sonorisation qui à la fois va faire de différentes animations, mais nous, il va nous servir aussi le soir avec le groupe d'Emeric, qui est plutôt du rock et qui est vraiment chouette. Pour finir la journée, c'est vraiment un côté sympa et chouette. Et puis nous, à 14h30, on va faire aussi une table ronde avec 5 intervenants. C'est nouveau, ça ? Ça, c'est nouveau, oui. Il y a 2 ans, la conf avait fait aussi une table ronde avec un dessinateur. Mais là, cette année, c'est vraiment nous, Convergence, qu'on l'organise. et donc là, ce sera sur le thème de qui fait la loi dans nos assiettes. Donc avec 5 intervenants de Terre Solidaire, dont une qui est spécialisée sur la souveraineté alimentaire, une autre sur le végétalisme. 2 paysans, une Sandra qui fait du lait de vache et qui a une douzaine de vaches. C'est trop extraordinaire son exploitation, elle transforme tout en fromage. Anthony, qui lui est plutôt céréalier, fait du miel et a des volailles. Donc on aura 2 paysans aussi. Et puis Charles Fournier, qui est le député de l'endroit, notre député. Qui soutient. Et qui soutient aussi. Faut le dire, quand c'est le cas. Bien sûr. Comme il sera au banquet. Et Charles, donc, qui parlera aussi du thème législatif. Donc c'est un sujet qui compte quand même sur l'avenir de l'agriculture. Bien sûr. Et puis rien n'a été oublié, puisqu'il y aura également le barbidule des enfants, Cédric et sa ferme buissonnière, Agnès et ses chèvres attelées, et puis des jeux en bois. Voilà, donc l'occasion vraiment de faire une balade chouette en famille. Ouais, c'est un joli moment. À ne pas en douter, c'est au pied du pont Wilson, on ne l'a pas précisé, sous la guinguette de Tours-sur-Loire et sur la place Anatole-France. Et alors, ce sera de quelle heure à quelle heure, Bernard ? Eh bien, ça commence vers 10h, 10h30 et ça finit normalement à 18h. Très bien. Donc, aucune excuse pour ne pas aller faire un petit tour à l'occasion, en même temps des journées du patrimoine. Et le patrimoine, on le retrouve aussi, effectivement, dans l'assiette, dans nos verres et dans tout ce qui fait notre belle région. Mais il faut le garder, surtout. Ça, c'est sûr. Alors, Bernard, j'avais quand même envie de vous poser une petite question, parce que ceux qui vous connaissent savent que vous avez traversé des difficultés récemment, que vous raccrochez un petit peu sur un certain nombre d'activités, parce que il faut lever le pied à un moment donné. Oui, c'est ce que j'ai compris. Donc finalement, c'est un avertissement gentil. Comment vous préparez la relève ? Ben, je prépare la relève en réalisant que donc j'arrive à 70 ans et que moi, quand je commençais à faire des choses, c'était à 25-30 ans. Et que là, finalement, le monde a changé autour de moi. Et moi, je n'ai pas complètement perçu tout ce qui se passe. Et que c'est drôlement bien, je vais aller vers des gens qui ont 30, 35 ans, qui ont une autre façon de considérer les choses, une autre façon de cuisiner, une autre façon de tout faire. Et que ça va permettre à Convergence et aux banquiers de continuer à avancer, mais dans l'air du temps. Vous avez l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, on peut même parler des enfants, des écoliers, des collégiens, sont plus sensibilisés qu'avant à toutes ces questions environnementales, à ces questions de tout ce que vous défendez finalement, les circuits courts, la biodiversité, l'agriculture ? Mais je ne sais pas, je crois qu'ils sont plus informés, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient plus sensibilisés. C'est pas la même chose. L'information est très forte, mais elle est tellement forte même qu'elle rend les choses banalisées. Et je ne suis pas sûr que beaucoup de gens mettent du cœur. Je pense qu'en Touraine, on est quand même dans une région où il y a vraiment des solidarités, des réseaux. Et là, je regardais, là, c'est ce que j'ai vu il y a 3 jours, il y a 46 AMAP en Touraine. C'est énorme, ce sera bientôt 50, il y en a qui sont en construction, alors qu'il y a des départements qui n'ont que 3 ou 4 AMAP. Donc on a quand même ce sentiment qu'ici, on a une vitalité qui n'est pas forcément partout. Eh bien, on espère que ça va continuer. Oui, bien sûr que ça va continuer. Il se passera toujours des choses. En tous les cas, déjà, il s'en passe ce 12 septembre avec le banquet festif et solidaire, donc, qui aura lieu sur l'île Simon. Et puis le marché paysan Convergence Bio qui, lui, aura lieu le 21 septembre au pied du pont Wilson. Merci de nous avoir présenté ces événements. Puis merci surtout pour votre engagement. Bah, merci de m'avoir reçu, c'est trop gentil. Avec grand plaisir, vous pourrez réécouter cette interview, cette émission avec Bernard Charret sur la page Facebook de Radioactive ou sur le site internet également de Radioactive. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.